إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 76 dans l'explication du livre Kitab al-Kaba'ir, le livre écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les commentaires et les explications de Cheikh Saleh al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et donc le Cheikh Mohammed rahimahullah, il fait maintenant le chapitre qu'on va, il a écrit le chapitre maintenant qu'on va lire aujourd'hui, qui s'intitule Babun Ta'atul Umara, c'est-à-dire le chapitre au sujet de l'obéissance aux dirigeants et l'explication que le fait de désobéir aux dirigeants dans le bien, c'est parmi les kaba'ir, ça fait partie des grands péchés. Et le Cheikh, à ce sujet-là, il mentionne des versets dans le Coran. Il a cité deux versets. Le premier, wa qawlu Allahi ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Wa qawluhu ta'ala fattaqu Allah mastata'tum. Donc le premier verset, qui est le verset 59 dans sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez à son messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et le verset suivant, qui est le verset 16 dans sourate At-Taghabun, qui signifie: et craignez Allah comme vous le plus que vous pouvez, craignez Allah comme vous le pouvez ou comme vous en êtes capable. Et le Cheikh, il explique cela en disant, Cheikh Al-Fawzan, il dit: من المقطوع به أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش منفردا بل لا بد أن يجتمع مع بني جنسه فالإنسان مدني بطبعه من أجل التعاون وتحقيق مصالحه الدنيوية الدينية والدنيوية. Donc on va commencer par traduire cette partie-là. Le Cheikh explique que c'est une chose qui est certaine, que l'être humain n'est pas capable de vivre tout seul. Un être humain n'est pas capable de vivre tout seul. Il faut qu'il ait des gens avec qui il se réunisse, des gens de yani avec qui il se réunisse pour pouvoir justement yani s'entraider avec eux et arriver à réaliser les bienfaits et les intérêts de la vie d'ici-bas et de la religion. Parce que l'être humain est naturellement social. L'être humain, par sa nature, il est un être social. Et il dit: ولما كان الأمر كذلك والناس يجتمعون في قرية أو مدينة أو أي تجمع فإنه لا بد أن يحصل الاختلاف. لا بد أن يحصل اختلاف واعتداء من بعدهم على بعض كالاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وهذه هي طبيعة البشر، فالإنسان من طبيعته الظلم، كما قال الله تعالى إنه كان ظلوما جهولا. Donc le Cheikh explique que, étant donné que يعني, les gens, quand ils se réunissent, soit dans un village ou dans une ville ou dans n'importe quel rassemblement, c'est normal qu'il va y avoir des divergences. C'est normal qu'il va y avoir parfois de la transgression. de la part de certains contre d'autres. Et soit que ce sera une transgression contre la personne, c'est-à-dire contre sa vie, contre ses biens ou contre son honneur. Parce que ça, c'est quelque chose qui fait partie de la nature de l'être humain. Et l'être humain, il est fondamentalement dans sa nature injuste. Hein, malheureusement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 72 dans Surat Al-Ahzab, innahu kana zaluman jahula. C'est-à-dire, l'être humain, dans sa nature, il est injuste et ignorant. Et donc, ça c'est le verset 72, comme on a dit dans Surat Al-Ahzab. Ensuite, le Cheikh il dit, kana la budda, fa kana la budda min man yahkumu baynahum, ou an yahkum. فكان لا بد ممن يحكم بينهم حاكم يمنع الظلم ويرد الظالم وينصر المظلوم فكان لا بد من الرجوع إلى الحاكم ليفصل بينهم ويتولى شؤونهم وهذا الحاكم هو السلطان وهو ولي الأمر. Donc le cheikh explique que l'être humain, étant donné qu'il y aura de l'injustice, il faut qu'il y ait un juge qui va empêcher l'injustice, que lorsque la personne injuste fait de l'injustice à l'autre, eh bien, elle va pouvoir repousser l'injuste et défendre l'opprimé, celui qui a été opprimé. Et donc, il faut absolument qu'il y ait un dirigeant vers lequel on retourne pour qu'il puisse trancher entre les gens dans toutes leurs affaires. Et ce juge-là, c'est le dirigeant, c'est le responsable des musulmans, des affaires des musulmans. Et il dit: وَلَمَّا كَانَتْ لَا تَحْصُلْ إِقَامَةُ السُّلْطَانِ إِلَّا بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَهُ فَلِذَلِكَ أَمَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِوُلَاةِ الْأُمُورِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Donc le cheikh il dit que il ne peut pas y avoir l'établissement d'une autorité ou d'un dirigeant excepté s'il y a une écoute et une obéissance à ce dirigeant là. C'est-à-dire que si un dirigeant, tu dis lui c'est votre dirigeant, mais vous êtes ni obligé de l'écouter ni de lui obéir, alors dans ce cas-là il sert à rien ce dirigeant-là et il n'est pas réellement le dirigeant. Le dirigeant, s'il n'est pas écouté dans ses ordres et obéi dans ses ordres, alors dans ce cas-là c'est pas vraiment un dirigeant dans ce cas-là. Et c'est pour ça que le fait d'établir une autorité et un pouvoir, eh bien, c'est relié directement à l'écoute et à l'obéissance de ce dirigeant-là. Et le cheikh, il dit, comme Allah, il mentionne le verset, dans le Coran, le verset 59, surat al-Nisa, « Ya ayyuha alladhina amanu ati'u allaha wa ati'u al-rasul wa uli l'amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmi l'akhir » ذلك خير وأحسن تأويلا فأمر الله سبحانه وتعالى بطاعة ولاة الأمور بعد طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والمصدر الذي يحتكمون إليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والمرجع كتاب الله وسنة رسوله الكريم والمنفذ هو السلطان ولا يتم ذلك إلا بالسمع والطاعة والانقياد له. Donc le cheikh il explique le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez à son messager, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager. Si vous réellement vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. Et donc, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il nous ordonne d'obéir à ceux qui détiennent le commandement après avoir obéi à Allah et à son messager. Et donc, la référence ou la source de, vers laquelle on retourne pour juger, c'est le livre d'Allah et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, puisque dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager. Donc, notre référence pour juger, c'est le livre d'Allah et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que celui qui exécute le jugement, ça c'est le dirigeant. Et donc, cela ne peut pas être établi, excepté avec l'écoute et l'obéissance et yani, la soumission à ce dirigeant-là. Et il dit, وَلِذَٰلِكَ نَهَى اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُخَالَفَةِ وُلَاةِ الْأُمُورِ مَا دَامُوا مُسْتَقِيمِينَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِذَٰلِكَ لَا تَجُوزُ مَعْصِيَتُهُمْ وَلَا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ ولا ينتج وما لما ينتج عن ذلك من المفاسد كاختلال الأمن وتسلط الظلمة واعتداء المجرمين حتى ولو كان في بعض ولاة الأمور نقد في الدين ما لم يصل إلى الكفر فلا يخرج عليه حتى وإن كان الولي ظالما فيحرم الخروج عليه بل يجب الصبر على هذا الظلم لما في الخروج عليهم من الشرور الكثيرة المحققة. Donc, on va traduire cette partie. Le cheikh il dit, c'est pour cette raison que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit de désobéir, hein, yani, Allah et son messager ont interdit de contredire et de désobéir aux dirigeants tant qu'ils sont droits sur l'obéissance d'Allah et de son messager. Et c'est pour cette raison qu'il n'est pas permis de désobéir aux dirigeants ni de sortir contre eux, c'est-à-dire de se rebeller contre eux, à cause des conséquences négatives qui découlent du fait de se révolter ou de se rebeller contre eux. Et parmi les conséquences négatives que le cheikh a mentionnées, le fait qu'il y a une perte de la sécurité lorsque les gens se révoltent contre le dirigeant dans la société après, eh bien, les gens n'ont plus de sécurité parce qu'il y a plus, il y aura plus d'armée, il y aura plus de police, hein, tout va être en désordre. Également, c'est les injustes qui vont prendre le dessus et qui vont contrôler les faibles, hein, et il y aura de la transgression de la part des criminels contre les gens honnêtes. Et donc, il n'y aura plus de sécurité sociale, il n'y aura plus de stabilité dans la société. Ce sera hein, la loi de la jungle et ce sera le chaos dans le pays à cause de ça. Après, le cheikh il dit, « Hatta walau kana fi ba'd wulat al-umur naqs » Donc, même s'il y a certaines faiblesses ou certains manquements sur le plan de la religion chez certains dirigeants, tant que cette défaillance ou ce problème chez ce dirigeant-là n'atteint pas le degré de la mécréance, il n'est pas permis de se révolter contre lui et de sortir contre lui, même si ce dirigeant-là est injuste. Même si ce dirigeant-là est injuste, il est interdit d'appeler à la révolte ou de se révolter contre lui. Plutôt, il est obligatoire d'être endurant et de patienter vis-à-vis de cette injustice. À cause du mal qui découlerait, hein, du mal qui est réel, à cause du mal concret qui se découle ou qui découlerait plutôt de se révolter contre l'injustice de ce dirigeant-là, yani, et les conséquences négatives qui en découlent comme celles qu'on a mentionnées déjà. Et il dit ensuite le cheikh, وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وعضوا عليها بالنواجذ ولذلك صارت إقامة السلطان وإقامة ولي الأمر أمرا ضروريا وواجبا شرعيا على الأمة ولا يصلح الناس فوضى لا شرات له لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous incite à faire preuve de piété envers Allah et d'écouter et d'obéir aux dirigeants, même si c'est un esclave éthiopien. Car celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous donc à ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Alors cramponnez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires. Et donc, c'est pour cette raison que d'établir l'autorité du dirigeant et d'établir un dirigeant, c'est une chose nécessaire, obligatoire selon les principes de la révélation, hein, et c'est une responsabilité donc pour la Umma de l'établir. Et le cheikh explique que, bon, il cite un vers de poésie qui mentionne que les hommes, lorsqu'ils n'ont pas un dirigeant, eh bien, c'est le chaos qui prend le dessus et les ignorants qui règnent, hein, qui vont prendre le contrôle. Allah al-Musta'an. Et ensuite, le cheikh il dit: فلا بد من إقامة الحكم وإقامة السلطان لما يزع الله به من الشرور ويدفع به من الفتن. لذلك يقول عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني يدفع بالسلطان ما لا يدفع بالقرآن. فالقرآن يحتاج إلى من ينفذه. فمنصب السلطان منصب عظيم لا بد منه فهو جنة حصينة تتقى به الشرور ولذلك لا يجوز للمسلمين أن يبقوا بدون سلطان ولو لوقت قصير. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتغلوا بتجهيزه من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه حتى نصبوا ولي الأمر وبايعوا أبا بكر خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمهم أنه لا يجوز أن يمر وقت دون وجود إمام. Donc le cheikh il dit que il faut absolument établir le pouvoir et le dirigeant, et Allah subhanahu wa ta'ala il repousse le mal, hein? Il repousse le mal par ce dirigeant, il repousse les tribulations et les problèmes également par ce dirigeant-là. Et on voit la parole de Uthman, Amir al-Mu'minin radiallahu anhu, lorsqu'il dit: Allah subhanahu wa ta'ala repousse par le dirigeant ce qu'il ne repousse pas par le Coran. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala par le Coran, il repousse des choses, mais le Coran a besoin de quelqu'un pour le mettre en exécution et pour le mettre en application. Et c'est pour cette raison donc que ce qu'il ne repousse pas par le Coran, il le repousse par le dirigeant. Et c'est le dirigeant qui met le Coran en application et qui exécute les règles du Coran sur les serviteurs d'Allah. Et donc c'est un statut, c'est une position très très importante dans la religion de l'islam, et c'est quelque chose qui est nécessaire et dont on ne peut pas se passer, hein, du dirigeant. Et c'est comme un bouclier, hein, derrière lequel on se préserve de toutes sortes de choses qui sont mauvaises. Et c'est pour cette raison qu'il n'est pas permis pour les musulmans qu'ils restent sans un dirigeant. Même si c'est une petite période, même si c'est un temps très court. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, les musulmans ne se sont pas tout de suite préoccupés de préparer ses funérailles et de laver son corps et l'embaumer et de faire la prière sur lui pour l'enterrer par la suite. Ils ont commencé par le fait d'établir un successeur, un dirigeant, et ils ont donné l'allégeance à Abu Bakr radiallahu anhu, qui est devenu le khalifa, le successeur, après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car ils savent qu'il n'est pas permis qu'un temps passe sans qu'il y ait un dirigeant, hein, pour les musulmans. Il dit وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فهذا نداء من الله إلى الذين يؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم يستمعون لنداء الله وقد أمرهم بثلاثة أوامر الأمر الأول إطاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لما في ذلك من العبودية لله والمصلحة للناس الأمر الثاني يعني إطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقد ذكر الله تعالى وقد ذكر الله ما في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من الفوائد ومنها الهداية والرحمة والأمر الثالث وهي طاعة ولاة الأمور المسلمين فإنه تجب طاعتهم ما لم تكن في معصية فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم فيها ويطاعون فيما عداها donc le cheikh il dit que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque il dit ô vous qui avez cru obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Ça, c'est un appel de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants, ceux qui croient en Allah et en son messager, parce qu'ils entendent l'appel d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné dans ce verset trois choses. La première, d'obéir à Allah. D'obéir à Allah en mettant en application ses ordres et en s'écartant de ses interdictions. Et à cause de ce qu'il y a dans, dans cela comme soumission et adoration à Allah subhanahu wa ta'ala et un bienfait aussi pour les hommes. Donc quand tu obéis aux dirigeants, ça veut dire que tu obéis à Allah et à son messager. Et par conséquent, tu obéis à Allah, donc tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une adoration et il y a un bienfait pour les hommes là-dedans en même temps. Le premier ordre donc c'est d'obéir à Allah, de faire ce qu'il ordonne et de s'écarter de ce qu'il interdit. La deuxième c'est d'obéir au messager. Et la raison pour laquelle on est ordonné d'obéir au messager, c'est parce que le messager, il est le transmetteur de la parole d'Allah. C'est lui qui est venu pour transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 80 dans sourate An-Nisa, il dit وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهِ Celui qui obéit au messager, il a certes obéi à Allah. Pourquoi? Parce que le messager, il ne fait que ordonner ce que Allah a révélé. Donc, celui qui lui obéit, il obéit à Allah automatiquement. Et le verset 64, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et nous n'avons envoyé de messager excepté pour qu'il soit obéi par la permission d'Allah. Et donc, le cheikh il explique que il y a également, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné également ce qu'il y a comme bienfait dans le fait d'obéir aux messagers. Et parmi les bienfaits mentionnés, il y a le fait que c'est une guidance et que c'est une miséricorde. Et le troisième point, c'est l'obéissance aux dirigeants, ceux qui sont responsables des musulmans. Et il est obligatoire de leur obéir. Tant qu'ils n'ont pas ordonné de faire un péché. Mais s'ils ordonnent de faire un péché, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de leur obéir dans le péché en question, mais on continue quand même à leur obéir dans le reste des choses qu'ils ordonnent, qui ne sont pas interdites et qui ne rentrent pas dans le péché. Ensuite, le cheikh il dit, « وَقَوْلُهُ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ يَدْخُلُ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا فَمِنَ النَّاحِيَةِ السِّيَاسِيَّةِ طاعة الولاة ومن الناحية العلمية طاعة العلماء فلا بد أن يطاع ولاة الأمور من الأمراء والعلماء فتتكامل بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر الحياة السعيدة وتتكامل بها مصالح البشر ومنافع الناس donc le cheikh il explique que l'obéissance aux dirigeants, inclut également l'obéissance au ulama, c'est-à-dire l'obéissance aux savants de l'islam. Parce qu'ils font aussi, eux aussi, ils font partie des responsables de cette umma. Et donc, sur le plan politique, les gens doivent obéir à leurs dirigeants. Et sur le plan scientifique, c'est-à-dire par rapport à la connaissance de la religion, ils doivent obéir aux ulama. Parce que les ulama, c'est eux qui vont leur expliquer les verdicts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh, il dit, donc il faut obéir aux responsables des musulmans qui comprend les dirigeants et les savants de l'islam. Et c'est ainsi que l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sera complétée. En obéissant aux responsables de la vie d'ici-bas pour avoir une vie heureuse et pour compléter également les bienfaits de l'humanité et de yani dans tout ce qui est profitable et bénéfique pour les hommes. Et il dit wa amma qawluhu ta'ala fattaqullaha mastata'tum ay ij'alu bainakum wa bainallahi wiqayatan tuqikum min 'adhabihi wa dhalika bi fi'li awamirihi wa tarki nawahihi wa taqwallahi takunu بحسب الاستطاعة. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي ما تستطيع فإن عجزت عن شيء فإن الله لا يكلف العبد فوق طاقته. Donc le cheikh il dit dans l'autre verset dans sourate At-Taghabun, Allah subhanahu wa ta'ala dit et craignez Allah comme vous le pouvez, c'est-à-dire mettez entre vous et votre Créateur, entre vous et Allah, une protection qui vous préservera de son châtiment. Et cette protection, c'est en faisant, en mettant en application ses ordres et en s'abstenant de ses interdictions. Et la piété, at-taqwa, ce qu'on appelle en arabe at-taqwa, c'est yani, selon notre capacité. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit dans le Coran, le verset 286 dans Sourate Al-Baqarah et dans d'autres versets aussi, il le répète, qu'il ne met pas sur une âme une charge qu'elle n'est pas capable de porter. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Donc il ne fera pas porter à une âme une charge qu'elle ne sera pas capable de supporter. Et c'est-à-dire elle doit faire ce qu'elle peut. Et ce qu'elle n'est pas capable de faire, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'exige pas du serviteur. Si c'est quelque chose qui est impossible ou qui est pas possible à faire, dans ce cas-là, l'être humain n'est pas blâmé s'il ne le fait pas. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a cité un hadith. Et le hadith, il est rapporté par Abu Daoud, par An-Nasa'i et par également l'imam Ahmad dans sa Musnad. C'est le hadith rapporté selon Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-ghazwu ghazwan » فأما من ابتغى به وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهته أجر كله وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الناس فإنه لن يرجع بالكفاف. Rawahu Abu Daoud wa Nasa'i. Le cheikh il dit, on va traduire ce hadith. Il cite ce hadith. Ça signifie quoi? Que la bataille, elle est de deux formes ou deux catégories. Et il parle ici de la bataille qu'on fait, yani, dans l'islam pour le sentier d'Allah. Donc c'est de deux catégories. La première, c'est celui qui le fait pour rechercher le visage d'Allah par sincérité pour Allah. Et il obéit aux dirigeants et il dépense de ce qu'il a de meilleur et il est facile dans le sens qu'il est flexible avec son partenaire quand il a un associé ou un partenaire dans quelque chose, dans le commerce ou dans des choses comme ça, il va être facile avec lui, il va pas être compliqué. Puis il va également s'écarter du désordre et de la corruption. Alors dans ce cas-là, tout ce qu'il fait, son sommeil, son éveil, dans tout ça, il aura une récompense. Dans tout ce qu'il fait, même son sommeil, il va être récompensé pour ça. Tandis que celui qui combat, yani, ou qui part au combat par fierté, par ostentation, pour se faire entendre et se faire voir, et qui désobéit aux dirigeants, et qui fait du désordre sur la terre, il ne reviendra pas avec l'inyarja bil kafaf. Ce avec quoi il revient ne sera pas suffisant pour lui. Il ne va pas considérer ça suffisant pour lui. On va lire l'explication de ça dans les propos de Cheikh Al-Fawzan lorsqu'on va arriver à cet endroit-là, à la fin du hadith. Il dit, le Cheikh Al-Fawzan, en expliquant ce hadith, قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ الغزو غزوان الغزو هو الخروج للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته وهو غزو الكفار والمفسدين في الأرض لأجل إزالة ضررهم وهذا من صلاحية الإمام فلا يقوم غزو ولا جهاد بدون الرجوع إلى ولي الأمر فالولي هو الذي يأمر به وينظمه وهو الذي ينظر في أحوال المسلمين هل يستطيعون الجهاد أم لا. Donc le cheikh il explique que al-ghazw ghazwan, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, al-ghazw en arabe c'est, ou bien dans la religion, c'est le fait de sortir en expédition dans le sentier d'Allah pour élever la parole d'Allah. Et il dit que sur le plan islamique, sur le plan de la religion, le fait de combattre contre les kuffars et contre ceux qui font du désordre sur la terre dans le but d'enlever le mal qu'ils font et d'éliminer le mal qu'ils font. Et il dit que ça fait partie des responsabilités du dirigeant. Et on ne peut donc pas établir une bataille ou un combat quelconque sans revenir aux responsables, sans revenir aux dirigeants musulmans. Parce que, comme on le sait actuellement, il y a des groupes, il y a des individus parmi les groupes extrémistes et les groupes des Khawarij, et eux, ils se donnent le droit de faire la guerre quand ils veulent, contre qui ils veulent, où ils veulent, et par n'importe quel moyen, que ce soit des moyens islamiques ou contraires à l'islam, pour eux c'est pas important. Et ça c'est très très grave. Et donc c'est ça ici que le cheikh il explique que le djihad et le combat dans l'islam, il fait partie des responsabilités du dirigeant officiel dans le pays, et il n'est donc pas permis de se lancer dans cette quête, excepté avec la permission du dirigeant et avec son organisation, c'est-à-dire que c'est lui qui doit l'organiser et qui doit être à la tête de cela, et non pas des individus parmi les civils ou parmi les citoyens qui décident eux-mêmes de faire qu'est-ce qu'ils veulent dans ces questions-là. Donc le cheikh explique qu'il faut absolument qu'on retourne aux dirigeants pour régler ces questions-là, et il dit que le dirigeant, c'est lui qui doit organiser l'armée et qui doit ordonner le combat, et personne d'autre que lui. Et donc, c'est lui qui doit regarder et voir le bienfait et les intérêts des musulmans et la situation des musulmans pour voir s'ils sont capables de faire le djihad ou non. Donc, c'est pas n'importe qui décide. C'est le dirigeant qui décide. Et si lui, il observe la situation des musulmans, il regarde les armes qu'ils possèdent, il regarde l'armée, la quantité de combattants qu'il y a dans l'armée, et les moyens qu'ils possèdent, et tout, et qu'il décide, et il voit ça, et il dit, on n'a pas la capacité, on n'est pas capable d'affronter un ennemi quelconque, dans ce cas-là, on est obligé de s'abstenir et d'écouter d'écouter aux dirigeants et de s'abstenir de combattre comme le dirigeant l'a décidé. Hein? Et ensuite, le cheikh dit: وَقَدْ قَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَزْوُ إِلَى قِسْمَيْنِ صحيح وهو الذي تكون فيه المصالح والمقاصد العظيمة وهو الذي يكون من أجل إعلاء كلمة الله أو من أجل إعلاء كلمة الله ونشر الدين فهذا واجب والثاني غزو يراد به الرياء والسمعة أو الطمع في الدنيا وهذا محرم ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة وحمية والرجل يقاتل ليرى مكانه أو ليرى مكانه فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وما عداه فإنه في سبيل ما قصد وما أراده ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فليست العبرة بالمظاهر ولكن العبرة بالنيات والمقاصد ولا يعلم النيات والمقاصد إلا الله سبحانه وتعالى فهو الذي يعلمهما أو يعلمهما ويجازي عليهما ومحل الشاهد من الحديث قوله وأما من ابتغى به وجه الله وأطاع الإمام فلا بد من طاعة الإمام في الجهاد فإن المصنف استدل للباب بهذا الحديث donc le cheikh il explique que يعني le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a divisé le jihad ou le combat en deux catégories la première c'est le jihad qui est correct qui est fait selon les règles et c'est celui qui est établi dans le but de ramener les intérêts et d'atteindre des objectifs qui sont très importants et c'est celui-là qui est dans le fait dans le but d'élever la parole d'Allah et de propager la religion c'est ça qui est obligatoire la deuxième catégorie c'est le combat hein, qui est fait dans le but de se faire voir ou de se faire entendre de faire parler de soi ou de se faire voir des gens d'être glorifié par les gens pour notre courage pour notre force hein, ou bien yani, pour obtenir yani, un bienfait de la dunya quelque chose de la dunya qu'on désire et ça tout ça c'est haram tout ça c'est haram de combattre pour ça c'est haram Hein? La seule chose pour laquelle le croyant doit combattre, c'est pour élever la parole d'Allah. Et on a posé la question justement au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à propos de l'homme qui combat par courage, ou par fierté, ou bien qui combat pour que les gens voient sa situation et sa force. Les gens, ils veulent se battre pour que les gens disent « Ah, lui, il est fort, il est courageux, il n'a pas peur. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, alors c'est lui qui est dans le sentier d'Allah. » C'est-à-dire, c'est lui qui combat réellement pour Allah, subhanahu wa ta'ala, dans son sentier. Et il dit ensuite « وَمَا عَدَاهُ » Les autres, ceux qui sont en dehors de celui qui combat pour élever la parole d'Allah, alors ceux-là, ils seront considérés selon la raison pour laquelle ils ont combattu, selon leur intention. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les œuvres ne seront jugées que par leur intention et yani pour chaque personne, il sera récompensé selon son, selon ce qu'il a eu comme intention. Et donc, le point à considérer ici, c'est pas les choses apparentes, mais c'est les intentions et les objectifs qui sont à l'intérieur de la personne. Et personne ne connaît les intentions et les objectifs, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui les connaît, et c'est lui qui va récompenser selon cette intention-là. Et donc, c'est ça qui est tiré de ce hadith-là. Et il dit, en ce qui concerne la personne qui... il dit, وَقَوْلُهُ وَأَمَّا مَنْ اِبْتَغَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَأَطَعَ الْإِمَامِ. Donc c'est ça le point qu'on a voulu tirer dans ce hadith ici par rapport à ce chapitre. C'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui recherche le visage d'Allah et qui a obéi aux dirigeants. Donc il dit, il faut absolument qu'il y ait une obéissance aux dirigeants dans ce jihad. Hein? Et ça c'est la raison pour laquelle le cheikh il a cité ce hadith-là, pour que yani, les gens sachent que yani, il faut qu'il y ait obéissance aux dirigeants, et en particulier yani, dans le jihad, ça c'est encore plus important, parce que c'est quelque chose qui fait que si les gens écoutent pas leurs dirigeants, ils vont pas pouvoir avoir une victoire, hein, surtout dans les questions qui ont rapport avec le combat. Ils ne pourront pas se défendre ou protéger contre l'ennemi ou attaquer un ennemi quelconque sans justement écouter et obéir à ce dirigeant-là. Sinon, le combat, ça va être le chaos. Tout le monde va faire ce qu'il veut, ils vont agir n'importe comment, et il n'y aura pas d'harmonie, il n'y aura pas d'ordre. Hein? Même vous voyez par exemple dans des sports par exemple d'équipe, même quand il y a des sports d'équipe et il y a une équipe qui joue contre une autre équipe, s'il n'y a pas un chef dans cette équipe, un capitaine, hein, n'importe qui fait n'importe quoi, hein, ou un coach, hein, ils peuvent pas gagner, hein, parce que chacun il va prendre le ballon, il veut faire ce qu'il veut avec. Mais si c'est comme ça pour un sport, hein, alors comment pensez-vous que pour quelque chose comme le combat et l'armée, que ce n'est pas encore plus important, hein? Il dit, وَقَوْلُهُ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةِ يعني المال الطيب لا المال الرديء الذي يقل نفعه. قال تعالى وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ أو المال المحرم فإنه إذا أراد أن إذا أراد الإنفاق فعليه أن ينفق من أحسن ما عنده فكلما طابت النفقة بأن كانت من كسب طيب ومال حلال وجيدة النوع كانت أفضل. Donc le cheikh il dit et qu'il dépense de ce qu'il a de meilleur. Hein, quand il donne en sadaqa, il donne ce qui est bon. Il donne pas les biens qu'il a qui sont mauvais ou qui sont hein, pourris ou des choses qui n'ont pas de valeur. Hein? Ou les choses qui sont peu bénéfiques ou peu profitables. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, hein, et ne cherchez pas qu'est-ce qui est mauvais ou qu'est-ce qui n'est pas bon pour le donner aux gens. Parce que dans ce cas-là, c'est comme si juste tu veux te débarrasser de ce que tu possèdes et le donner aux gens, et qu'est-ce qui est bon, tu le gardes pour toi. Donc ça, c'est hein, pas correct. À la base, le croyant, il devrait même donner ce qu'il a de mieux et ce qu'il aime le plus pour les autres. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul d'entre vous n'est croyant tant qu'il n'a pas aimé pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Hein? Donc ça, c'est important. Et il dit, le cher, que chaque fois que la chose que tu donnes et la chose que tu dépenses de tes biens, elle est bonne, hein, et plus qu'elle est obtenue de manière qui est halal et qui est bonne aussi, eh bien dans ce cas-là, cette sadaqa va être meilleure. Et ce don, ou bien cette dépense, elle sera encore meilleure en récompense. Il dit, وَقَوْلُهُ يَا سَرَ الشَّرِيكِ يعني من المياسرة يعني المساهلة أي ساهل الرفيق وعامله باليسر فالناس يحتاجون إلى المشاركة فينبغي لمن كان له شريك أن يكون ناصحا لشريكه ويحرص على أن لا يكون بينهما شقاق ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما بصاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. Donc ici le cheikh explique que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit et qu'il soit aisé ou facile dans son comportement envers son partenaire ou son compagnon ou bien plutôt son associé dans qu'est-ce qu'il fait dans son projet ou dans son commerce ou dans sa compagnie ou peu importe, eh bien c'est-à-dire il doit agir de manière douce et de manière facile, simple avec son compagnon et le traiter avec gentillesse et être bon envers lui. Il dit pourquoi? Parce que les gens ont besoin de partenaires dans leur commerce et dans leurs affaires. Et donc, il faut que celui qui a une compagnie et qui est partenaire avec quelqu'un, il faut qu'il soit sincère. Il faut qu'il soit sincère et il faut qu'il y ait entre les deux de la compréhension. De la compréhension. Et donc, il doit faire son possible pour qu'il n'y ait pas de conflit et de dispute entre eux. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le hadith Qudsi qui est rapporté par Abu Daoud Ad-Darqutni et c'est un hadith qui est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit je suis le troisième des deux partenaires tant que l'un d'entre les deux ne trahisse pas l'autre parce que si un des deux trahit l'autre alors moi je me retire d'entre les deux. Je me retire d'entre les deux dans ce partenariat, c'est-à-dire je ne vais pas être présent dans ce partenariat et c'est comme si ils sont laissés à eux-mêmes puisqu'ils se font de l'injustice et Allah subhanahu wa ta'ala il n'aime pas l'injustice. Il dit wa qawluhu wajtanib واجتنب الفساد يعني الفساد ضد الصلاح فالغازي أولى بهذا الأمر يعني أن يخلص النية ويقطع ولي الأمر وينفق من أحسن ما عنده وكان قصده الإصلاح لا الفساد فإذا اتصف بهذه الصفات فإنه يؤجر على كل أقواله سواء كان نائما أم مستيقظا أما من كان على النقيض من ذلك فلا غزى لوجه الله وإنما أنه بطل وعصى الإمام وعمل رياء طلبا للمدح والسمع ورجع وقد لزمه الإثم لأن الطاعات إذا لم تقع نية صالحة انقلبت إلى معاص والعاصي آثم. Donc le cheikh il dit ici également de se détourner de la corruption et du désordre qui est le contraire de la réforme et du bien. Et celui donc qui part au combat et à la guerre dans le sentier d'Allah, eh bien, lui, il mérite plus encore d'être dans cette description-là, d'être contre le désordre. Et donc, il doit purifier son intention, obéir aux dirigeants et dépenser de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, de dépenser de ce que Allah, du meilleur de ce que Allah lui a donné, tant que son intention c'est de faire la réforme et non pas le désordre. Et celui qui a ces caractéristiques-là, il sera récompensé pour toutes ses paroles, peu importe qu'il soit réveillé ou endormi. Tandis que si la personne, elle est dans une description qui est contraire à celle-là, hein, et qu'il ne fait pas le combat pour le visage d'Allah, eh bien, dans ce cas-là, yani, son combat sera faux. Hein, et il aura désobéi le dirigeant. Et il agit par ostentation dans le but d'obtenir la glorification, hein, et de se faire voir ou de se faire entendre des gens. Et il revient avec le péché, parce que les obéissances et les actes d'obéissance, si elles ne sont pas faites avec une intention sincère et pure, eh bien, elles deviennent des péchés. Hein? Et celui qui commet un péché, il est pécheur. Il reste un autre hadith qu'on va lire avec une petite explication. Donc c'est un autre paragraphe encore, puis on va s'arrêter à ce point-là aujourd'hui. Le cheikh, il cite ici un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est un hadith, hein, très authentique, d'une authenticité très forte. Et il rapporte, selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma, marfou'an, « Ala al-mar'i al-muslimi al-sam'u wa ta'atu fi ma ahabba wa karih » إلا أن يؤمر بمعصية فإنه إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة أخرجاه. Donc le cheikh, il cite un hadith qui est rapporté selon Ibn Omar رضي الله عنهما, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit que le musulman écoute et obéisse dans ce qu'il aime et dans ce qu'il n'aime pas. Et yani, si on lui ordonne de faire un péché, dans ce cas-là, s'il est ordonné de faire un péché, il n'écoute pas et il n'obéit pas. Donc dans le péché, il n'y a pas d'écoute et il n'y a pas d'obéissance. L'obéissance, c'est seulement dans qu'est-ce qui est bon. Et le cheikh Al-Fawzan, il explique cela, et on va terminer avec ce chapitre, avec ce paragraphe ici. Il dit « Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fi » حديث ابن عمر على المرء المسلم السمع والطاعة يعني السمع يعني لولي الأمر سواء كان يوافق رغبته وهواه أم لا يوافق لما في ذلك من المصلحة العظيمة وقد يكره الإنسان شيئا ويكون له فيه خير كثير فليس العبرة أو فليست العبرة برغبة الإنسان وإنما العبرة بما يترتب على الأمر من المصالح والمفاسد ولهذا قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فالله يعلم ما فيه مصلحتكم ولو كرهتموه ويعلم ما فيه مضرتكم ولو أحببتموه فاعلم أن صالحك في طاعة أمر الله ورسوله ولو كنت تظن غير ذلك. Donc le cheikh il explique que le musulman, hein, la personne doit écouter et obéir, c'est-à-dire qu'il doit écouter et obéir au dirigeant, peu importe que ce que le dirigeant ordonne, c'est en accord avec sa passion ou en contradiction avec son désir. Il doit écouter et obéir au dirigeant dans ce qui lui plaît et dans ce qui lui déplaît. Pourquoi? Parce qu'il y a un bienfait là-dedans, il y a un grand bienfait là-dedans, et c'est possible que quelqu'un, quelque chose lui déplaise et que en fait il y a un grand bien pour lui dedans. Donc il ne faut pas juste regarder le désir de l'homme et qu'est-ce qu'il a en lui-même, mais il faut voir qu'est-ce qui découle aussi des actions qu'il va faire, qu'est-ce qui va s'en sortir, qu'est-ce qui va en découler. Et donc on regarde ce qui en découle, hein, et ce qui, ce qu'il y aura comme conséquence dans les bienfaits, dans les méfaits. Donc on ne prend pas seulement le désir de la personne en considération, mais on regarde yani les conséquences de ça. Et il dit le cheikh que c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 216 dans sourate Al-Baqarah, et il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez quelque chose alors que c'est un mal pour vous, et Allah sait et vous ne savez pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît où se tient le bienfait pour vous, même si vous vous le détestez. Et il sait où se tient le mal, même si vous vous l'aimez. Et donc, sachez, sache que ton bien, il est dans l'obéissance d'Allah et de son messager, même si tu ne le vois pas. Même si tu ne vois pas cela, hein, du premier coup. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et on continuera demain, bi'idhnillah, ce cours. Hein, la suite du chapitre. Le chapitre suivant, c'est Bab al-Khuruj anil Jama'a. Bab al-Khuruj anil Jama'a. Donc, on est dans les derniers chapitres du livre, comme je disais. Il reste encore peut-être une vingtaine de chapitres encore, une vingtaine de titres. Inch'Allah, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.